Et la mère. Ici ce soir, Mère Mera, devant Monsieur le Président, devant les patrons catholiques, devant les voluptés, vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété Errance Rinaldienne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était une tragédie! Tu l'as pas vu, la tragédie? Ben, je l'ai entendu, là, c'était... C'était des violons, ça. Oh, et ça, ça amène... J'ai remarqué que quand c'était des instruments à cordes qui nous violaçaient l'oreille... Ben, violon, violacé, ben oui, pas dans le sens de violet, là. Violet, violette, violette, violette! Oui, c'est moi, violette! Est-ce que vous nous êtes... Est-ce que vous vous êtes... agrippé à notre oreille? Ben, jamais j'oserai parce que je... Sommes-nous là? Je sais pas, Violette, êtes-vous là? Ben oui, je suis là. Bon, depuis quand vous êtes là? Ben, depuis le début, là. J'ai pleuré, moi, là, toutes les larmes de mon corps. Et monsieur, ça fait une nappe? Une map. Une nappe de mélancolie. Voilà pourquoi je suis encore là. Sommes-nous là? Je suis là. Sommes-nous là? Je suis là! Y a personne de présent, sauf moi. J'ai jamais été plus présente que maintenant. Oh! Je n'ai jamais voulu être là. Ben voyons, comment ça vous êtes présente? Ben parce qu'on m'a dit, sois là. Et puis, ben je suis là. Bon, êtes-vous heureuse? Non. Je préfère être dans l'absence. Oh, l'oubli. L'oubli de l'absence. Oh! C'est beau, c'est très beau. C'est très triste, mais non. Pourquoi c'est triste l'absence? Ben, parce qu'on n'est pas présent. Ben, quoi que vous êtes devant moi? Ouais, oui, mais pas trop, là. Vous êtes, OK. Vous êtes une image, mais pas trop. Vous êtes un flou, comme un spasme. Non, un spectre. Un spectre. Vous êtes un spectre. Un spectre-spasme. Un spectre-spasme. Aimez-vous ça, madame, être un spectre-spasme? Ben, maintenant, oui. Ben, c'est le mot, hein? Non, c'est la consonance. Oh, c'est... Vous vous fiez à la consonance? Ben oui, j'ai la cymbale qui contourne. Comment? J'ai la cymbale qui contourne. Qui contourne toi? Qui contourne quoi? Eh, monsieur, l'avez-vous cloué, ce partiel-là? Je l'avais demandé de... C'est une prothèse dentaire amovible, hein? Cette prothèse-là, tu sais... Ça sonne bizarre. Non, ça sonne creux. Ah, bon, pour sonner creux, là, est-ce qu'on peut... ça sonne creux, là? Oh, allô? C'est pas creux, ça, là, mais mettez... écoutez bien. Écoutez le récit de... Oh, ça sonne creux. Allô? Allô, le creux? Êtes-vous là dans le creux? Ben non, on est dans le pas creux. Dans le pas creux, le synonyme de pas creux. Pas creux... Pas là? Pas là. Pas là dans le creux? Pas là dans le creux. Êtes-vous là, pas là dans le creux? Ben oui. Ça sonne pas là dans le creux. Ben voyons donc, ça sonne pas là. C'est soit cru ou pas cru. Eh, hey, mais qui l'a cru? Qui l'a cru? Je sais pas, le cru. Le cru, le pas cru. Comment tu veux que ça se... que l'on soit pris au sérieux à cette émission-là, Errance Rinaldienne? Ben c'est impossible. Ben ça n'a jamais été possible. Ça sera jamais possible. Merci. Ainsi soit pile. Ainsi soit face. Ainsi soit face dans la pile. Oh mon Dieu. Quand c'est pile, c'est pas face. Quand c'est face, c'est pas pile. Quand c'est pile. Arrête-moi ça. Monsieur le Président, on s'excuse infiniment auprès de notre invité qu'on aime tant. On est des incompétents heureux. Oh! Notre vieille terre est une étoile. Et toi aussi, tu veilles un peu. Nous sommes des incompétents. Des incompétents qui se la fait creux. Nous sommes des incompétents. Des incompétents qui se la font bien creuse. Monsieur le Président. Monsieur le Patron catholique. Mesdames les voluptés. Et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à une émission de variété indépendante francophone Errance Rinaldienne, dit-il en se léchant le pouce. Non, c'est pas le pouce. C'est l'index. Hey, ça demande une réflexion. Ben, ça fait longtemps que je n'ai pas nommé tous mes doigts, là. OK. Bienvenue à l'émission. Excusez-moi, madame, on vous a dérangé. Ben... Oui, allô, madame. Êtes-vous dans le creux? Hey, dans le creux. Êtes-vous capable de vous sortir du creux? Montez à surface, madame. Non, restez dans le creux, hein, de moins. Bienvenue. Hey, c'est méchant. Mais non, c'est pas méchant. Elle est dans le creux. Elle n'est pas capable de monter. Quand tu peux pas monter, reste là. Enfonce-toi dans le sable émouvant de la solitude heureuse et incompatissante de notre existence maintenant devenue aussi sauvageonne que la forêt boréale. La forêt boréale, ben, j'ai pas demandé à Boréal de venir ici, là. J'arrive quand même. Monsieur Boréal, vous êtes pas là, j'espère. J'arrive quand même. Non, arrivez pas, là. On n'est pas prêt. J'arrive quand même. Non, les micros sont pas. Il y a juste trois structures de son qui peuvent capter l'environnement. Comment auditif. Si vous nous mettez dans le trouble, on va être obligé d'en mettre un quatrième. Puis Donna est pas prêt. Donna a pas de micro. Donna est plus là. Donna. Es-tu là, Donna? Non, elle veut jamais être ici. Non, mais... il veut jamais se faire dire qu'il est présent, lui. Présent dans l'absence, c'est Donna. Oh! Donna qui cherche à se réduire au néant, à la poussière, à l'absolu, au grain de sable. Oh! Au caillou? Non, pas caillou, c'est trop gros. Un petit grain de sable de rien, là, tu sais, dans le fond de l'œil, là. Non, au côté, pas dans le fond, ça fait mal. Allez, non, madame, vous m'enlevez ça dans le fond, mais non, c'est dans le creux, OK. Êtes-vous dans le creux, madame? J'arrive quand même! Ben oui, tout le monde est mêlé. Êtes-vous dans le creux, vous? Bon, il est dans le creux, arrivez-vous quand même? Eh ben, attendez, première règle, deuxième doigt. Êtes-vous dans le creux? Arrivez-vous quand même? Comment ça fonctionne pas? Non, là, arrêtez-moi ça. Êtes-vous dans le creux? Arrivez-vous quand même? J'arrive quand même! Bon, c'est bon, ça. Alors, bienvenue à le... on avait peur, là. On s'est dit, ça s'enchaîne pas. Tout s'enchaîne, monsieur. Tout s'enchaîne. Calmez-vous. Respirez par le museau. Par le naseau? Par le nasal. Oh, ben ça, c'est... j'ai essayé la semaine dernière, puis j'ai pu rentrer, mais jamais sortir. Hein. Je me suis enfoui dans les boyaux. Ah, mon dieu! Puis là, je me suis dit, si j'arrive au noyau, comment faire pour sortir? Sortir, ben du noyau. Ben tu te laisses aller, et comme ça, tu vois... t'expulser. Hey, ça s'expulse pas comme ça. Là. Quand t'es dans le noyau, il n'y a pas de pulsation. T'es pris là, tu vas fondre, tu vas mourir. Avez-vous peur de passer par là? On a peur de... Oh, mon Dieu. Mais avec ma dernière voix... Combien de vies? Deux voix, trois vies. Deux vies, trois voix. Oh, mon Dieu. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'émission Errance rénaldienne. Trois vies, deux voix. La voie de gauche puis la voie de droite. Puis si tu tournes à la voie de gauche quand tu étais à droite, patin! Tout arrive en plein visage, puis là, avec la petite poussière dans l'œil. Ah, c'est terminé. Tu pleures de tout ton régime. Tu cherches tout. Tu cherches ton nom. Tu cherches ton passé. Tu cherches ton futur. Tu cherches surtout à vivre. C'est pas facile, ça, là. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est maintenant que ça se passe. C'est là. Oui, monsieur, arrivez, on vous attend. Monsieur. On va vous embrancher un micro. On va vous l'introduire. Par où on va l'introduire? Ça va vous faire mal si vous venez ici. Ça va rêver. On va sentir les douleurs du réverbère. Oh, non, c'est les douleurs du prépubère. À quoi bon? C'est la même chose, réverbère, prépubère. Mais non, c'est pas la même affaire, là. Un réverbère, c'est une lumière. Un prépubère, c'est un adolescent. On est dans le champ avec ça. Ben, on a toujours été dans le champ. On cherche les prés heureux pour gambader, pour courir avec le vent dans la voile. Oh! Et la voile dans le vent. Les cheveux aux quatre voiles, sans aucun voile. Que du vent! C'est pas très bon. Merci, monsieur. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Comment? C'est que de vin. Oh, ça, c'est un mauvais Molière. Non, c'est un trépassé de Shakespeare. Ah, c'est de l'anglais. Arrêtez, c'est de l'anglais, ça. Ah, ben oui. Êtes-vous capable de dire la phrase classique? Toby. Voyons, j'ai quelque chose dans le fond. To be... Love and kisses, never misses, making a heaven for two. Please, pretender, sweet surrender, come coming from someone like you. Your perfection to affection, being a perfect desire. Love has found us, joy has found us, planning a future divine. No indecision, I know that my vision is glue. When you are new, no need for sunlight, for you are the one that I see. So real to me, love and kisses, that's what bliss is. The thing, whatever I am, do for completeness, whisper sweetness, coming from someone like you. And kisses, never misses, making a heaven for two. Please pretender, sweet surrender, coming from someone like you. Your perfection to affection, be a perfect desire. Love has found us, joy has found us, planning a future divine. No indecision, I know that my vision is glue. When you are new, no need for sunlight, for you are the one light I see. So real to me, love and kisses, that's what bliss is. The thing, whatever you do, for completeness, whisper sweetness, coming from someone like you. Ben voilà, j'ai fait ça d'une manière totalement autonome, avec des gens que j'aime beaucoup. J'ai eu plein d'invités sur le disque qui vont de musiciens de jazz à par exemple le guitariste de Parabellum, qui est un groupe punk français. Marc Perron, accordéoniste, je ne sais pas si tu connais. Ah, mais ça, c'est toujours un autre. Mais ça n'a aucun lien, les deux. Absolument pas, tu vois. Par exemple, Zafa, le bassiste qui joue beaucoup avec Mathieu Bogart, tout ça. Il y a Patrice Renson à la batterie. Batteur de M. Mais ça, c'est des amis à toi. C'est que des amis qui sont venus par amitié jouer sur mon disque. Donc on a vraiment fait ça avec un son de groupe quand même très live, très proche de ce que j'aime, c'est-à-dire des arrangements simples. Ah non, pas une prise, parce que quand même, en général, on fait 2-3 prises. Non, mais je veux dire, c'est le son, les musiciens en même temps, puis toi tu chantes. Oui, souvent, très souvent. Et puis après, quand même avec une recherche un peu sophistiquée de son et d'arrangement, mais en restant vraiment dans la simplicité et un peu dans le son de que j'aime, c'est-à-dire des années 70, quoi. Et tu voulais donner à l'album, sans doute, un fil conducteur, pour pas que ce soit des enchaînements. Ouais, si tu veux, le fil conducteur, c'est les arrangements, en fait, et puis c'est un peu ma voix, quoi, mais bon, tu écouteras, tu me diras ce que t'en penses. J'ai hâte. Ouais. À l'origine, quand je t'ai rencontré tout à l'heure, tu me semblais une fille timide. Ah bon? Es-tu timide ou au contraire, es-tu une fonceuse? Je pense pas être une fille timide, mais je suis quelqu'un de réservé, c'est sûr. Mais sur scène, tu oublies tout ça, tu deviens une autre et tu transcendes. Non, mais ça te permet d'aller plus loin, c'est ça? Je sais pas, tu sais, moi j'ai beaucoup été trimballée, j'ai beaucoup voyagé, et donc je suis pas quelqu'un qui a du mal à s'adapter. Au contraire, je m'adapte très facilement, mais peut-être avec un certain recul toujours, je sais pas. C'est vrai que sur scène, on est très différent par rapport à la vie. C'est pour ça qu'on fait de la scène, hein, c'est pour s'effacer. Bien sûr, bien sûr. Et puis lentement, tu fais ton petit bonhomme ou ta petite bonne femme de chemin. Et tu vises, bien sûr, faire de la scène, présenter ton album sur scène, amener tes musiciens, faire quelque chose qui te soit peut-être très personnel, peut-être même avec des monologues. Ben, peut-être, écoute, oui. Je travaille aussi pas mal avec mon copain, donc Brontis Jodorowsky, avec qui j'ai fait Le Gorille. Mm-hmm. Et donc, on a plein de projets, de pièces. Est-ce que tu veux revenir au Gorille? Parce que le micro était fermé quand on en parlait au début. Je branchais tout ouais. ça. Oui, ben, c'est vrai que j'essaye de m'intéresser un peu à tout, y compris à la mise en scène. Et bon, j'ai été assistante de mon père aussi sur certains projets. Et avec Brontis, donc on a monté ce spectacle Gorille avec son père, Alexandro Jodorowsky. Mm-hmm. Sur lequel j'étais assistante et qui a été joué dans plusieurs pays. On part en Espagne là cet été après le Festival d'Avignon. Rhythm and romance, romance and rhythm taught me to sparkle anew. Brought me remarkable you, oh sweetheart. Rhythm and romance, romance and rhythm, an inconceivable pair that gave a budding affair its start. Ooh. The stars gleam, the moon beams, the sky seems to smile, the breeze drives, the trees sigh. Rhythm and romance, romance and rhythm, a combination so real, an invitation to steal your to steal your à 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant sur ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se pendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix elle a le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi, au moins je suis sûr que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte-à-porte, pour subsister, je ferai n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats. Les minables cachets, les valises à porter, les petits meubles et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, auprès d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mais le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur, et mourant de trac devant ce parterre, entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs. Bravo. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Oh, la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute, mais celle du public qui n'a rien compris. Public. On ne m'a jamais accordé ma chance. D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance. Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent. Emmène-moi au bout de la terre, ramène-moi au pays des merveilles. Il faudrait que le soleil nous donne moins de misère. Oh, emmène-moi au bout de la terre, ramène-moi au pays des merveilles. Il faut que la misère me semble moins pénible qu'au soleil. Parce que là, je cuis au soleil. En parlant de cuire, est-ce que Jimi Hendrix, madame, était cuit? Presque. Oh, vous vouliez vous envoler comme un cuit-cuit? Oui. Alors, on va dire toute l'histoire. Je vous le jure. Je vous le jure. Attendez, allez-y. Je vous le jure. Bon. Jimi Hendrix est décédé. Non, pas. Part of a dose, I must be, I might let me go. Non, c'est qu'il est mort dans un sommeil profond. Il s'était... Une grosse fête, une fête incroyable avec trois personnes. C'est pas très gros, trois personnes. Non, mais elles étaient passablement bien enrobées. Oh, comme on les aime, comme on les aime. Et puis, à un moment donné, Jimi Hendrix s'est assoupi. Oh! Il s'est endormi, mais la tête assis, OK? Mais la tête vers le haut. Donc, malheureusement, la salive lui a rentré dans le gargoton. Il est décédé en régurgitant son trop plein de bière. C'est comme ça qu'il est mort. C'est la vraie histoire, la véritable histoire, selon Errance Rinaldienne. Oh, monsieur le président, monsieur les patrons catholiques, c'est la vérité. La vérité plus que vraie. Plus que vraie, c'est la surréalité. Oh, monsieur le président, monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rinaldienne. Il s'en passe des choses. On en dit des vérités ici. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance rénaldienne. Ça fait peur. La peur est quelque chose qui fait avancer l'humain. Ou celui qui a des mitaines aussi, là, l'habillé au niveau de la manutention digitale. À quoi bon faire la manutention digitale? Ben, les mains, c'est quoi? Ben, c'est de la manutention digitale. Ben, pourquoi tu ris? Ben, tu sais que lorsque l'on est niais, oui, on rit de ce que nous donne la vérité. Hey, c'est vrai, ça. Quand on est éclairci par ce qu'on cherchait comme ouverture, non, vérité, comme ouverture vers quelque chose qui nous abreuve afin de calmer notre interrogation. Hey, c'est tellement bien dit, Mme Moreau. C'est pas Mme Moreau, c'est M. Gagné. Oui, oui, mais Mme Moreau vous a soufflé. Mme Moreau m'a pas soufflé. Elle ne souffle pas. Non, elle ne souffle plus, elle est morte. Oh! Une autre morte. Combien de morts? Ah, beaucoup de morts ici. Bon. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? L'absurde aventure de l'errance reynaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Reynald Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 18 novembre 2011, les errances reynaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Entre nous, la vie et la nuit. Entre nous, il y a de l'amour. Entre nous, comme l'oiseau qui surgit. C'est pas un oiseau, c'est un chat. Comme l'oiseau. Peux-tu attendre un petit peu? Oui, on peut attendre. Combien de petits peu? Juste un petit peu de petits peu. OK. Alors, petit pas, tu vas aller de petit peu en petit peu. Et fait que tu dis, hey, merci. Ben alors, vas-y, on t'attend petit pas. Ben moi, c'est un petit peu par petit peu. Ben petit peu par petit peu, petit pas par petit pas, vas-y. Ben attends un petit peu. OK, vas-y. Arrête de dire vas-y. OK. Qu'est-ce qui se passe? Ben c'est petit pas par petit pas. Hein? Non, c'est petit peu par petit peu. OK. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Ben c'est l'intrigue. Oh! C'est intriguant, l'intrigue. Ben, sinon, ce ne serait pas l'intrigue, ce ne serait pas intriguant. Oh. Contrairement à un film d'action. Non, non, dans l'action, il y a de l'intrigue. C'est vrai. Dans le film d'amour, il y a de l'intrigue. Va-t-elle l'aimer? Non. Oui. Non, oui. Je vais t'expliquer. Tous les films d'amour, ou presque. Ou presque, là, c'est 99.9999. Rajoute des 9, mon champion. C'est 9 à l'infini. C'est 9 à l'infini. Tout est faux dans ma vie. Des neufs à l'infini. Des neufs à l'infini. Des neufs à l'infini. Il y a une petite rencontre au début. 20 minutes de rencontre. Là. On va coller les deux protagonistes là, pour que les gens... Premièrement, le cinéma, là, c'est de l'appropriation. Le spectateur s'approprie les personnages. Donc, tranquillement, on va amener nos spectateurs, pas téléspectateurs, parce que le cinéma, c'est pas pour la télé, le spectateur, à prendre pour les personnages. Alors, rapidement, on présente les deux personnages, hein, qu'ils s'aiment. Il y a conflit, division du couple, pendant à peu près 45 à 60 minutes, il y a quelque chose qui se passe pour qu'à la fin du récit, le couple revienne ensemble. Ils reviennent ensemble. Oh! 99.99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 on n'a pas de véhicule. Ben, comment ça, ça fait nénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénén l'essence. Laissons l'essence sur la chaussée. Hey, c'est la pollution. Mais on va pomper. Pompe, Marita, pompe. On aime ça quand elle pompe parce qu'elle a déjà travaillé pour les aspirateurs. Elle aspirait à devenir grande directrice aspirateur. Puis le directeur ne voulait pas l'avoir comme aspirateur. Comment ça? Elle aspirait? Elle aspirait à devenir directrice de l'aspirateur sans lui dire au grand dirigeant de l'aspirateur. Oh! Et puis, qu'est-ce que ça s'est, terminé comment? Comme un film hollywoodien. Oh, mon doux! En beauté? En beauté. Elle se maria à Maria. Maria, elle s'appelait Maria. Oui, Maria. Maria se maria. Oh! Deux Maria. Ah oui, il y a eu du mariage là-dedans. Hein? On en a fait des sandwichs. Il y avait Maria puis Maria. Oh! Maria, Maria qui? Les... Oh! J'allais dire la marque. Maria, Maria, l'aspirateur. Oh! C'est une belle histoire d'amour. Ah, ça tire vers le bonheur universel. Oui, mais j'espère, parce que sinon, l'aspirateur qui tire pas... C'est pas un aspirateur. C'est un... Expirateur. Oh! Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Aspirateur. Oui, monsieur. Aspirateur. Aspirateur. Aspirateur. Aspirateur. Aspirateur. Non, monsieur. Connais pas ce... Non, c'est un intrus. On l'a même pas invité. Il y a pas... Non, il y a rien ici. Il y a ni ici, non, rien. N'en avait pas. N'existe pas. Si Jésus n'existe, si Dieu n'existe, humain n'existe grâce à aux humains, il n'existe tous les autres, sinon il n'existerait pas. Oh! N'existe, bon. Et si tu n'existais pas? Et puis, nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste multidisciplinaire Nina Savary. J'ai rencontré, moi, Nina. Oh, nous sommes des jalouses! Et des jaloux. Des jaloux et des jalouses! Ah, oh, je l'ai rencontré, j'ai serré la main. Je l'ai même embrassé sur les deux joues. Oh, pas Nina! Nina Savary, moi, j'ai embrassé sur les deux joues. Oh! Je me suis plus lavé les lèvres depuis ce temps-là. Ben voyons, donc, c'est pas hygiénique, ben... Hey. Là, je veux vendre là, des micro-parcelles de peau de Nina sur Internet. Hey, ça vaut très cher, mais là, il faudrait que vérifier ça au microscope. Oh! Alors, donc, mettre ça sur des plaquettes. Oui. Analyser la plaquette et vendre la plaquette. Ouais, mais là, ça fait combien de temps? Ben, le mois de juillet. Juillet, attends, juillet! Madame, pouvez-vous compter pour nous? Ben, on va le faire, on a les doigts pour ça. OK, on y va. J'en ai cinq doigts, c'est bon ça, c'est hors de la normale, on n'a jamais vu ça. Ah non, ça se voit pas ça, cinq doigts, normalement c'est 11 doigts. Pour un homme c'est 11 doigts, pour une femme c'est ça. Alors juillet, faisait beau au mois de juillet, ah il faisait chaud, faisait beau, blam, blam. En plus juillet, août, mois d'août, humide mois d'août, hein, mon Dieu. Non, on compte pas, on dit pas la météo, puis ça on compte, ok, juillet. Oh, septembre. C'était septembre. Septembre, octobre. Et là, on est quoi? On est au mois de novembre. Juillet. On va oublier juillet. Ça va bien, ça va très bien. Est-ce qu'on peut surprendre? Non. Juillet. Septembre, octobre, novembre. Quatre doigts. Penses-tu qu'en quatre doigts sur tes lèvres, qu'est-ce que t'as fait en quatre doigts? Ah, mon Dieu. J'en ai écarté des doigts. Ah, oh, en quatre doigts. J'ai pas le droit de le dire. Ah, oh, c'est vrai, on va cacher la... Oui, on va censurons. Alors, est-ce qu'il reste encore des plaquettes de Nina? On le sait pas, on va analyser. Est-ce que tu peux, s'il vous plaît, t'arracher un peu de peau de lèvres? Peau de lèvres, oui. Est-ce qu'on peut faire ça? On fait ça maintenant? Ben oui, arrache. Ah, puis c'était riche, puis c'était arrache, je voulais. Ben, comment tu veux que j'arrache ça? Ben, prends une petite, pas une lame, là, mais une gamelle de bouse. Ah, oh, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Même l'humoriste, c'est pas drôle, gamelle de bouse. Mais non, mais prends une plaquette. Oh. Et tire-toi la plaquette sur la lèvre, du haut ou du bas, les deux en même temps. Ben, voyons, non, ça va m'arracher toute la. Non, vas-y. C'est excellent. Bon, là, j'enferme comme une sandwich. Oh. Moi, je vais prendre croton, laitue, mayonnaise et un petit peu de ketchup, s'il vous plaît. Mais non, c'est une plaquette pour analyser si tu as de la peau de Nina. Ah, oh, c'est... Excuse-moi, je pense juste à... dans ma tête, il n'y a que le mot nourriture qui naît dans ce cervelet un peu fugace. Oh! On va analyser ça, on va vous dire ça, madame, bientôt, là. Ainsi soit-il. Non, c'est incessamment, incessamment. Alors, Nina Savary est une chanteuse et comédienne qui débute à la Scala de Milan à l'âge de 5 ans et n'a pas quitté la scène depuis. Enfant du Magic Circus, elle suit les tournées de pays en pays, étudie le piano et les chants au conservatoire. Elle fait des études de littérature américaine, se forme à la comédie... Hey, elle doit connaître... À qui? Elle doit connaître Henry Miller. Oh! Peter Sellers. Mais c'est pas un écrivain, Peter Sellers. Ah non, c'est Philip Sellers. Oui, mais c'est pas Sellers, c'est Sollers. Sollers. Philip Sollers. C'est Solaire. Philip Solaire. Mais là, c'est pas un Américain, c'est un Français. Oh! Philip Solaire, c'est un Français? C'est un Français. C'est plus qu'un Français, c'est un Français avec la mèche. Puis, oh, putain... Ah putain, ma littérature, c'est la meilleure littérature. Le reste, c'est de la littérature. Comme le Terminator, c'est pas de l'écriture, c'est de la pseudo-composition presque au niveau même de l'étudiant prépubère. Moi, je gravite au zénith des mots. Je me lèche aux parois du savoir universel. Je suis Philip Sollers. Et si ça n'a, si la, ça n'a pas l'air, ça, ça, ça l'air, et ça, ça l'air sur 16. Oh, on n'a rien compris, mais il grévite, il grévite. Alors donc, elle joue au conservatoire, fait des études américaines. Peut-être même, comment il s'appelle, Ivry, pas Ivry, John Irving. Oh, excellent, John Irving. Mais moi, je l'ai lâché après la queue du dieu, la mange du diable. Non, c'est mange le diable et tire la queue. Mange le diable et tire la queue. Ah, je croyais manger une pomme. Mais c'est ça sa première page, c'est une pomme. Une pomme. C'est comme l'œuvre de Mozart. Non, c'est Beethoven. Pom, pom, pom, pom. C'est excellent. Pom, pom, pom, pom. Comme, donc, littérature américaine se forme à la comédie et la danse, rencontre des artistes comme Jacques Higelin, Rénal Gagné, Alfredo Arias, George Lavelli, Jean-Baptiste Terrier, Rénal Gagné et Victoria... Non. Victoria Chaplin. Oh! Elle joue dans de nombreux spectacles. Voilà un voyage chargé pour cette... Non, parce que je veux abréger. Excuse-moi, Nina. Mais je dois couper court. Voilà un voyage chargé pour cette nuit automnale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Oui, alors place à la zizi. Combien de soirs? À Avignon, c'est tout le mois de juillet, jusqu'au 31 juillet, au Petit Chien. Ça donne quoi, 15 spectacles? Dans la salle, il doit y avoir au moins 5 ou 10 spectacles qui jouent toute la journée. Okay. Et dans le festival, il y a plus de 1000 spectacles. C'est hallucinant. Okay. Je crois que c'est le plus gros festival au effectivement, monde. Avec tous les acteurs sont rendus à Avignon. C'est vraiment un délire. Moi, je l'ai fait l'année dernière avec un autre spectacle. C'est surréaliste. Avec un spectacle qui s'appelle Paris Froufrou. Ah oui, OK. Musical, le retour musical. Avec, ouais, okay. Ouais. Pareil, de cabaret. Donc voilà, avec Bontis, on a aussi monté deux opéras là, ces deux dernières années. On a monté Péléas et Mélisande de Debussy à Besançon. Et cette année, Rigoletto de Verdi. Oui. Mais c'est qui trouve l'idée en premier? C'est toi qui l'appelle, qui te dit « Oh, j'ai peut-être un petit projet en tête » ou c'est lui qui… Non, là, dans l'opéra, c'est très particulier. C'est toujours le directeur de l'opéra qui décide. Okay. Donc, en fait, ça commence par la production qui fait le casting d'abord des chanteurs, le chef d'orchestre. En fait, la musique à l'opéra est toujours prioritaire. Hein, et le metteur en scène est choisi souvent en dernier. Mmh, et donc, ce sont des travaux de commande. Mais nous, ça nous a beaucoup amusés et on trouvait ça merveilleux d'avoir l'occasion de débuter dans la mise en scène d'opéra parce que c'est pas donné à tout le monde. Et, c'est assez élitiste? Ben oui, forcément. Hein, c'est quand même quelque chose de très particulier, l'opéra. Donc en général, c'est réservé aux metteurs en scène connus ou à des gens qui font des parcours classiques. Nous, c'est pas notre cas, donc c'était des belles expériences. Et donc voilà, ben... C'est vrai qu'à la fois on fait plein de choses aussi, ça nous arrive de faire de la télé, ça nous arrive de faire de la pub, et puis plein de projets. Vous marchez en duo? On marche un peu en duo, mais non, pas forcément, parce que chacun a son propre parcours, mais disons qu'on a un parcours un peu parallèle, parce que lui, il vient du Théâtre du Soleil, Ariane Mouchkine, et donc comme moi, il a fait partie d'une troupe, et maintenant il fait des choses très différentes, mais on a tous les deux, disons, ce côté un peu saltimbanque, quoi. C'est-à-dire que quand on a envie de monter un projet, on n'attend pas qu'il y ait une production pour le faire et on s'organise par nous-mêmes. Et bon, on a cette éducation-là. Et en même temps, on essaye aussi quand même de rentrer aussi un peu dans un système où il faut trouver sa place dans le métier. C'est pas facile, hein. Et il faut faire plein de choses, il faut savoir se diversifier. C'est pour ça que moi, je fais plein de boulot. Autant dans la musique que comme comédienne, que parfois en faisant que du théâtre sans chanter, ou alors du théâtre musical ou de l'opérette. Là, à la rentrée, je vais faire La Belle de Cadix de Francis Lopez, oui. Au Théâtre Comédia. On essaye toujours d'avancer sur plusieurs projets en parallèle. vous le sauveur, monsieur Grenier? Et tu es belle en habit de bal. Ton esprit me laissera tout seul. Good night. Ton aptitude à me rendre saoul. Des vers sont bus, je change de rôle. Tonight. Je suis fou, je désire seul. Surprends mes rêves comme personne. Tonight. À mes mesures, je défie le ciel de m'apporter le corps de sel. Tonight. Cette voiture roule presque toute seule. Seul l'instinct de l'homme la contrôle. Tonight. T'as mis du rêve. Changer d'âme tonight. I need you girl, I do girl. Dans une voix se conserve mieux. La misère ce soir, tonight. Ce soir, ce soir, ce soir. T'as mis du sel, oh. Je veux des rêves. Une attitude de self-control. Ce soir, tonight. La ville est belle, un hybride de style. La pluie, la nuit, fait briller tes cils. Changer d'âme tonight. I need your soul, I need your girl. À ta merci, happy girl. I need you, I need you, I need your soul, girl. Dans la poussière, happy girl. Si tu le veux, nous quittons le sol. J'ai plus d'aptitude à vivre seul. Happy girl. I need you, I need you, I need you so girl. Dans la poussière, happy girl. Petite salope. petite garce, si tu m'as dit vrai, je te pardonnerai. Je te jure, jamais. Menteuse. Ce soir. Allez-y. Merci de me laisser la place. Ça me gêne un peu parce que votre « allez-y » m'amène un peu à croire que vous vous attendez à quelque chose d'assez exceptionnel. Allez-y. Allonge-moi l'allez-y, vous, là. La Malaisie, c'est pas ici, là. La Malaisie, vous tournez à gauche, madame. Là, c'est monsieur. Monsieur Alice. Vous restez ici. Vous restez ici, restez ici, restez ici. Vous rentrez dans les grands, OK? Les grands, c'est Google Maps. Qui? C'est l'ordinateur. Et sur cette ordre, excusez-moi, j'ai une chatte dans... Un chaton avant. Un malheur. Un malheur vient de m'arriver, Mme Tremblay. Bon, qu'est-ce qui se passe encore? Ben, c'est... J'ai oublié la feuille de M. Grenier. Ah, oh, mon Dieu, pas M. Grenier, oui, M. Grenier. Êtes-vous le sauveur, M. Grenier? Je suis le sauveur. Je ne suis pas M. Grenier. Qui êtes-vous? Oh, qui dit vrai? Alors, qui dit vrai? Ben, on ne sait pas, là. Et qui dit faux? Ben, personne dit faux. Alors, qui dit vrai? Tous les faux. Qui dit vrai? Oui, merci. Qui dit vrai? Ben, personne dit vrai. Ben, voyons. On est dans la fausseté la plus totale, la plus banale. Oh mon, c'est banal, hein? Fausseté, on fausse. Ah, moi, régulièrement, lorsque je chante sous ma mouche, oh, parce que t'as une mouche gigantesque. Une mouche, là, une grosse mouche à ma à qui? À malaxer. Ça me relaxe, moi, de malaxer la mouche. Et puis, ben, je veux pas trop la malaxer, sinon... Mais sinon, je ferai mouche et elle met foire. C'est là, ici, maintenant, attribuons. Et puis la mouche, ben c'est ça, la mouche me tue, moi. Je me cache sous la mouche et puis, ben c'est ça, je malaxe la mouche, oui. Malaxe, malaxe dans l'anthrax. Malaxe, malaxe tes homos. Plate, c'est très, très ennuyeux. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le ressusciter. Oh. Comment on fait pour laisser ressusciter Buck? Buck, bien, premier, il faut rester simple, OK? Sans être simpliste. Eh bien, vous connaissez tout. Mais moi, je suis dans le savoir universel. Et puis? Savoir universel, c'est tout. C'est tout quoi? C'est tout. C'est aussi que M. Grenier n'est pas le sauveur. Non, attends un peu. Hey, lâche-moi, toi, là. C'est quoi? Vous le sauveur, M. Grenier? Je suis le sauveur, mais je ne suis pas M. Grenier, comme je le disais sous à l'air. Qui êtes-vous? Qui? Qui dit vrai? Qui dit vrai? Je suis Rénal Gagné. Oh! L'animateur de l'émission, l'excellente émission Errance Rénaldienne. Vante-toi pas de ça. Je ne me vante pas de ça. J'amène le vent vers moi. OK, pour? Pour me faire éventer. Oh, et en même temps, envoyer... T'es comme une montgolfière. Je suis très fier, moi, là. Je monte dans le film. Oui, et plus le... Non, le film. Je monte dans le film. Un peu comme Spielberg le fait. Mais aussi tous les dérivés de Spielberg, là, les pseudo-réalisateurs d'effets spéciaux, là. Il y en a un qui s'appelle Peter Jackson. Oh! Extra doux. Léger menthol mangolé. Mangolé! mangolite, titi mangolite, oui piti mandoli, mandoli, titi mandoli, Maman arrêtez ici. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraites de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Et là, ça m'a... Il y a quelques semaines, j'ai une nouvelle amie Facebook qui m'a dit « Je vais me faire à l'oreille de l'accent québécois. » Madame, vous n'avez pas à vous faire à l'accent, là. L'accent n'est pas là, l'accent n'existe pas, l'accent est entre les deux oreilles. Parce que avec Internet, avec surtout nos chanteurs qui se présentent là-bas à Paris, là. Ils ont l'accent québécois. Rock voisine. Alors bonjour, c'est Rock voisine. Oh, seul sur le sable, les yeux pleins d'eau. OK. Je suis tombé sur le dos avec Hélène qui n'était pas là. Comme moi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je rêvais, c'était une hallucination. Pendant ce temps-là, j'ai choisi une phrase, mais il me semble qu'elle est... Je ne l'ai même pas vue, mais c'est pas nouveau. Je vais aller dans quelque chose d'assez nouveau. La nouveauté, là-haut, c'est mon vase s'éteint, oui. Parce que c'est un récipient, un réceptacle à couche. Oh, vide? Vide, bien sûr. Ah, parce que c'est... Moi, j'ai un mot. Alors, la première phrase, c'est « Tout a commencé par deux ou trois réunions chez Joe Hyens. » Là, ces réunions-là, tranquillement, commençaient à nous amener vers des rencontres plus intimistes, hein? Surtout qu'on était habitué de se voir, de se revoir, puis on continuait à l'endroit où on s'était quitté. Tu comprends? Non, je comprends rien. Bien, c'est normal que tu ne comprennes rien. Mais Joe, lui, était branché là-dessus. Là. Il voulait recréer l'amour universel, un peu comme certaines personnes, certains regroupements. Puis chez lui, c'était assez grand. C'est un studio, un grand studio, tellement grand studio que tu pouvais rentrer par quatre portes. Puis jamais te voir, puis si tu allais te rencontrer dans le milieu du studio, ça prenait au moins 20 minutes à marcher. Ah, à marcher? À marcher. À marchette. À marchette? À marcher, à marchette. Parce qu'on pouvait pas marcher. C'était tellement glissant, ce plancher-là. C'était en bois très franc, tellement franc, là, que tu pouvais pas mentir, sinon ça te revenait en pleine face. À combien de fois, moi, je me disais, je suis Dieu? Il se passait rien. Je suis Dieu. Hey, c'est un plancher très franc. Ben oui, mais pourquoi je dis je suis Dieu puis ça me revient pas? On va poser la question, là. Comment on va le plus. Est-ce qu'on peut demander au fabricant de. Oui. Le fabricant du bois franc, est-ce que c'est vous, monsieur? Oui. Ben, monsieur le fabricant, ça c'est franc, ce bois-là, hein? Ça peut... Ouais. Ah, ça peut pas être plus franc que ça, là. Ouais. Mais là. Je ne veux pas non plus me sentir plus exceptionnel que je suis, quoique. Hein? Vous, est-ce que vous me connaissez? Oui. Vous écoutez Grand Rénaldienne? Oui. Est-ce que vous trouvez ça futile comme émission? Oui. C'est pas ça qu'il fallait dire, monsieur. Exceptionnel comme émission? Oui. OK. Merci. Mais là, pourquoi devant ce plancher de bois très franc, là? J'affirme dans ce studio que je suis Dieu, peut-être mieux que Dieu. Là. Tu sais, je suis quelque chose de vrai. Vous pouvez me palper. Gisèle me palpe. Hélène me palpe. Ghislaine me palpe. Chloé veut pas me palper. Elle veut pas me palper. Je veux me palper. Clap, papi. Pépé, pépé. Mais peu importe, madame. Nash, vous êtes monsieur. Ouais. Vous connaissez le bois, hein? Ouais. Êtes-vous franc? Oh, il n'est pas franc. Il n'a pas dit qu'il était franc. Alors, c'est un bois douteux que vous nous avez vendu, n'est-ce pas, monsieur le franc? Si je me trompe, là, vous pouvez m'enduire en erreur. Ouais. Ah, il m'enduit en erreur. Ah, j'espère que ce ne serait pas comme les westerns, c'est-à-dire avec les plumes. Rajoutez-vous des plumes par-dessus? Ouais. Moi, je vais prendre des plumes d'oies. Avez-vous des oies sauvages? Ouais. Les plus sauvages possibles. En avez-vous des vraiment là, des coriaces, là? Ouais. Celle là, que tu dis, viens petit, viens petite, petite, puis ils viennent pas, là. Ouais. Comme je les aime, des vrais oies. Là. Est-ce qu'elle s'en va, ces oies-là? Ouais. Oh, OK, je m'attendais pas à un oui, moi, là. Mais voyons, non, mon innocent. Mais voyons, dites pas ça, monsieur. Non, je suis une madame. OK. Alors, monsieur, oui, OK, monsieur. Alors, c'est franc, ce bois-là, là. Ouais. Alors, pourquoi il veut pas me revenir lorsque je lui dis que je suis Dieu? Le suis-je? Ouais. Et là, j'ai peur, là. Monsieur vient de m'affirmer que je suis Dieu. Et le titre de l'improvisation de Charles Bukowski, c'est pas de l'improvisation, de la nouvelle. C'est pas de l'improvisation, c'est une nouvelle. Oh, avez-vous une nouvelle? On a une nouvelle. Une nouvelle, allô? Ma nouvelle, on t'a demandé de venir ici ce soir parce que... Tu sais comment ça se passe, une émission de radio? Ouais. T'aimes ça, la radio? Ouais. T'en écoutes, la radio? Ouais. Y a-tu du disco? Du dicky? Du disco. Ah, y a du disco. On prend des mots, puis on les restructure. Non, pas disco, disco. Disky, disky? Disco. Ben, on a des... on a des disques, là. Disco. Coco. Ben, non, Coco, non. On n'a plus de Coco, non. On a... Coco, il n'y a plus de Coco. Des disques, oui, Coco, non, plus de Coco, il y a juste des disques. Alors, l'improvisation, c'était... Non, c'est pas l'improvisation, non, c'est la nouvelle. Oh, fâche-toi pas, mon petit Jean-Marc. Mais je me fâche pas, je m'affirme. OK, arrête de t'affirmer. Alors, le titre de la nouvelle de Charles Bukowski, c'était « Vie et mort d'un journal underground ». It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Ah, le cinéma, moi j'aimerais beaucoup faire du cinéma, mais... C'est assez là, cloisonné. Si tu veux, c'est, oui, c'est assez cloisonné, mais c'est surtout que c'est un métier très différent du théâtre, en fait. Et, c'est une maison, c'est des petites personnes qui se connaissent entre eux. Et... Ouais, je sais pas forcément, mais disons que... Ce qui est particulier, si tu veux, au cinéma, c'est que... quand tu fais des castings, ils ont toujours une idée très précise du personnage, ce qu'on appelle la vision du personnage. Et alors, c'est pas facile de trouver des emplois parce que t'es toujours trop petit ou trop grand ou trop brun, trop blond ou pas assez jeune ou trop. On joue plutôt sur le look que sur l'intériorité. Il faut être très naturel et il faut trouver vraiment le rôle qui te correspond parfaitement et qui correspond à l'attente du réalisateur. C'est vrai que c'est bon, il faut s'investir dans ce travail de trouver des rôles au cinéma. C'est pas forcément évident. Tandis qu'au théâtre, si tu veux, tu as quand même une liberté de composition où tu travailles avec des gens parce qu'ils aiment ton travail, ils aiment ton énergie, ta façon de bosser. Et puis, c'est une voix chaque soir aussi, là. Ouais, et puis ça permet surtout de tout jouer, quoi. C'est-à-dire qu'au théâtre, on peut tout jouer, les contre-emplois sont possibles, tout est possible. C'est vrai. Mais bon, moi j'adorerais faire du cinéma. J'ai fait beaucoup de courts-métrages, des choses indépendantes comme ça, mais pour l'instant, je n'ai pas fait de film. Mais c'est toi qui es réalisé ou tu t'es... Non, comme actrice. Ok, tu t'es fait demander de jouer certains rôles. Puis c'est des films qui ont peut-être eu un chemin. Les courts-métrages, parfois, peuvent faire des beaux parcours en festival, ou, tu vois, mais... Mais c'est assez discret, quand même. Voilà. Puis mon frère Robinson est réalisateur, alors il a réalisé un film, un long métrage sur le cirque justement, qui s'appelle Bye Bye Blackbird. Ok, à quelle année ? Il y a 4 ans je crois, avec James Thierry que tu dois connaître. Oui, oui. Et je devais jouer un des rôles principaux dans le film, mais le problème aussi du cinéma c'est que c'est tellement long la production pour... fixer les dates de tournage que ça a mis à peu près 4-5 ans à se faire et au moment où le tournage a été décidé, tout s'est enchaîné au dernier moment et j'étais déjà prise sur un spectacle, donc j'ai pas pu le faire, j'ai beaucoup regretté ça évidemment. Tu étais déchirée, ça. Un peu, oui. Ah, oui. Bah, c'est difficile, mais bon, ça fait partie aussi de ce métier, c'est beaucoup de projets, certains se font, d'autres pas et on ne sait jamais à quoi s'attendre quand on c'est commence un cinéma. Projet. Donc, c'est long le cinéma. Justement, ouais, la particularité du cinéma, c'est que c'est long, il faut beaucoup de moyens. C'est ce que j'aime dans la musique, c'est que la musique, c'est quand même la chose la plus instantanée et facile à produire quand on n'a pas d'argent. Et surtout que tu peux aller de n'importe où. La musique, tu peux l'écouter partout, dans le métro, tandis que le cinéma, c'est malheureusement cloisonné. C'est quelque chose assez... Ici à Paris, la grande mode maintenant, ce sont les concerts en appartement. Oui, ben c'est incroyable. Alors, tout le monde organise des lives chez soi et les gens arrivent sans sono, sans rien. Et c'est incroyable la façon dont la musique peut se développer. Il y a vraiment beaucoup de possibilités que n'offre pas le cinéma. Le théâtre, d'ailleurs, c'est tellement sinistré maintenant financièrement que c'est en train de devenir la même chose que la musique, c'est-à-dire... On joue gratuitement partout, dans n'importe quel lieu. Et puis, dans le privé, il faut toujours pratiquement payer une salle pour jouer. Et en musique, c'est un peu pareil. Prominent win. Prominent men take one. Highways and byways untraveled, through all of the side streets and alleys of sin. Through all that's been heard, nothing sinks quite as low as the prominent statements of prominent men. Prominent men tell prominent stories, prominent men tell prominent lies. Prominent men kiss the ass of Dame Fortune. Prominent men will tear out your eyes. The streets that are black with the cat's underbelly, aligned with the tracks of a thousand goodbyes. A poor woman screams with the heat of disaster as the prominent men sit and straighten their ties. Prominent girls of the prominent people with prominent dresses and prominent hair. Oh, they've prominent wealth with their eyes glazed with shadow, the prominent whores of the ghost millionaires. Windows now crackle at sunset. The shiny red dome of the heart soon must fall. The simpering vulgar, the seed of the cauldron. Those prominent men haven't been there at all. Prominent men tell prominent stories. Prominent men tell prominent lies. Prominent men kiss the ass of Dame Fortune. The prominent men will tear out your eyes. Or the prominent child of these prominent people seeks prominent schools with the finery of age. With the prominent pink of a tasteless red orchid, the prominent men cast a prominent air. Child of the aged walks barefoot upon grass. He screams with the power of terror's green knife. His knife harshly glistening steps no ways and always, but the prominent men were nowhere in sight. Prominent men tell prominent stories. Prominent men tell prominent lies. Prominent men kiss the ass of Dame Fortune. The prominent men will tear out your eyes. Rita, danse pas, s'il vous plaît, c'est Elie Medeiros. Regarde-le, admire le charme et la volupté. Thank you. accordéon. C'est du piano. Du piano accordéon. Pas du piano accordéon, mais du piano. Piano. Accordéons-nous. Non, accordons-nous. Accordons-nous piano. Non, mais l'écho, mais étale, doudou, la la la la, doudou, un tout petit baiser. Hé, hé, hé, hé, oh! Il n'a pas sa moyenne calypso, mi amor. Il n'a pas sa moyenne calypso. Cette semaine, et ce jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons. Déshabilleront, élèveront à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, à vingt, c'était la belle Jacqueline qui me disait, « Avant, on était mieux ensemble. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. » Mais voyons donc, ma Jacqueline, j'ai pas changé. T'as changé. T'as changé de direction. Ben voyez, j'allais vers la gauche. Oui. Je continue vers la gauche. Oui. Et toi, mon amour, ben moi, j'ai bifurqué. Ben voilà, vers où tu vas? La droite. Oh mon Dieu, quelle horreur. La droite. Oh, arrête de me dire ça, j'ai mal à ma... À ma gauche. Oh! Alors, une gauche. Pas droite. Uppercut. Encore. Gauche. Pas droite. Uppercut. Gauche. Pas droite. Alors, notre union, ma belle. Oui. Doit se quitter, doit s'abandonner. Oh. Sur ce sable où nous étions heureux avec les enfants que nous n'avions pas. Heureusement! Qu'est-ce que tu veux faire avec des enfants quand tu te sépares? On les divise par deux. Deux par deux. Ils entrent deux par deux en frappant du bouton. C'est des adolescents. En frappant du bouton, la destinée dans l'autre En pente des boutons, en saute des boutons. Quand les garçons s'enfuient, c'est pour les voix de nichons. C'est pour les voix de nichons, la destinée, la rose au bois. C'est pour la boîte bichon, c'est pour la boîte bichon. Quand les voix suffit, c'est pour tous les garçons. Pour les voix les filles, c'est pour voir les garçons. C'est pour voir les garçons, la destinée, la rose au bois. C'est pour voir les garçons, c'est pour voir les garçons. C'est pour voir les garçons, c'est pour voir les garçons. Quand le glaçon est fluide, c'est que tout est savon. Quand toute l'eau est fluide, c'est parce que tout est savon. Parce que tout est savon, la destinée... nous le savons. Nous le savons maintenant que c'est un savon qui nous... amène quelques petites démangeaisons au niveau de la maison, de la cime de notre tête. Ben c'est les cheveux. Les cheveux, mais en haut de la cime, ben c'est les cheveux, mais en haut des cheveux, c'est rien, c'est le néant, c'est le silence. Oh mon, le silence en haut de tes cheveux, toi. Ah, j'entends jacasser encore. Ben oui, mais c'est encore moins. OK! Alors, okay. Angle. Afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie, aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe « service ». Service. Y en a-tu du service ici? Oui. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Rien. Je veux absolument rien. Je demande, est-ce qu'il y a du service? Selon moi, il y en a. Oui. Est-ce qu'il y a du service ici? Oui. Bon, monsieur. Vous nous servez, monsieur? Oui. Qu'est-ce que vous nous servez? Rien? Oui. Hey, ça, est-ce que ça vous arrive souvent, mademoiselle, auditeur, auditrice, spectateur, spectatrice, visuelleux, visuelleuse? Ben oui, parce qu'ils nous regardent. Ben, qu'est-ce que ça? Il n'y a personne qui nous regarde. Ben voyons donc. Il y a une caméra qui nous scanne la venue de quoi? De rien. Là, les gens veulent savoir comment ça s'amène, une improvisation, comment ça peut monter. Ça monte jamais ici. Ça descend sans aucun dessin. Plus il y a de dessin, plus ça descend, puis plus ça descend, moins il y a de dessin. J'ai jamais dit qu'il y avait des illustrations. Là. C'est pas visuel dans mon... C'est quelque chose de peut-être un peu plus flou. Oh! On peut-tu amener le flou? Ben, on pourrait l'amener, mais c'est sans issue. Le flou est sans issue. Oui, le flou est sans issue, dit-il, en se lâchant la babine avec la main. Ben oui, parce que pourquoi? Ben on peut pas. Ils l'ont vu, eux, là, mais ils l'ont pas entendu. Ben j'espère que ça s'entend pas, des flaques de bave, non. Ça s'est jamais entendu, ça s'est jamais vu. Ça s'est vu, mais ça s'est jamais entendu. Quoique, quand il pleut à grande bave. Non, Jacques Brel disait qu'il mouillait à grande sciot. À grande sciot? C'est une ville à Bruxelles, là, sciot? Ben oui, c'est à côté de... il y a Bruges et puis il y a sciot. Parce que quand il pleut beaucoup à Bruges, il y a le sciot qui va essuyer l'eau de Bruges. Ah, ben oui, c'est pas de la boue que ça fait? Non, c'est de la frite. Ça fait pas de boue en Belgique, ça fait de la frite. Oh, puis des moules. Ah, les moules, c'est dans l'eau. Dans l'eau qui descend, dans la... Oui, mon Dieu. Puis là, ça cueille comment? Ça se cueille pas. Ça s'écarte. L'eau? Non, l'huître. L'huître. Ben, tu me dis l'huître, là. Qu'est-ce qu'on fait avec l'huître? Ben, on fait 4 et 4. 4 et 4. Fait l'huître. Eh, monsieur. Là, c'est quoi... Quel mot, c'est service? Est-ce qu'il y a un service ici? Oui! On ne se souvient même plus. Mais monsieur, on vous avait oublié sur la ligne. Oui! Vous saviez? Oui! Êtes-vous fâché? Non, il n'est pas fâché. Vous êtes heureux? Oui! Hey, dites-moi, vous êtes un service en combien de pièces, vous? Oui! C'est un service en oui. Un positif. C'est un rare Québécois positif. Est-ce qu'on peut l'adorer? On va s'arrêter quelques secondes pour l'adorer. OK? On y va. Ah oui, c'est oui, on l'adore. Ah oui, le service. Le service qu'on adore, c'est le oui, oui. Oui! Monsieur. On vous appelle dans notre osmose. Veuillez cueillir avec nous quelques roses. Vous êtes présent parmi les présents. Dans l'inconscient collectif, êtes-vous conscient? Mais nous, nous ne le sommes pas. C'est pourquoi que vous êtes là. Non, c'est pourquoi vous êtes là. C'est pourquoi vous êtes là. Merci d'amener. Je vous dirige. J'arrête de vous diriger. Je vous amène en haut, en haut. En haut, c'est beau. C'est beau, monsieur? Oui! C'est beau, en haut, c'est beau. C'est beaucoup plus beau qu'en bas. Parce qu'en bas, ici-bas, qu'est-ce qu'il y a en bas, monsieur? Il n'y a rien, il n'y a pas de service. Oui! Il y a du service, hein, mon dos. À l'appel que je vais composer? Oui! Si je décompose, y a-tu encore du service? Oui! Le service vient-tu en, vient en combien de pièces, monsieur? En trop de pièces détachées? Oui! Est-ce que je suis capable de le rattacher à tous ces services-là, monsieur? Oui! Si je vous demanderais, mon cher, de me le faire, est-ce que vous pourriez... sans doute que non, hein? Excusez-moi, j'avais trop d'écho dans mon cerveau. Et vous, monsieur, êtes-vous à mon service? Palavidam, palavidom, voyez-vous balancer l'atome. Dit la vidame, palavidom, d'une mélodie de Perona Panam. Valse la dame et la vidom, elle tourne sur le phonogramme. Comme une ritournelle s'exclame, voyez polygame dans l'air des rhizomes. Pas de royaume, pas d'oriflamme. Ces airs de nomade en personne, c'est du Perron, c'est de la vidame, de celui qui foule comme le font les roms. Errance dame, errance d'homme, l'histoire des hommes qui se trament dans leur vidame et d'homme, en somme. De dames et d'hommes, tu les portes sur le dos, mémoire d'Italo, de la cour Navancy à Monte Cassino, des mélopées chromoses, mais t'es pas de môme, chemin de petit bonhomme. Ainsi tu remontes le ton, diatonique passion, tu laisses des silences et d'autres diapasons à faire bouger le décor vers d'autres horizons, ça me fait pour de bon. Comme balavidam, balavidom, c'est l'un de l'autre qui se donne. De la vidam à la vidom, soufflant sur la délicate petite flamme. Qu'est la vidam, qu'est la vidom, du bout de tes doigts qui se paument. Bat ta vidam et dom, en somme, oye polygame. Dans l'air des rhizomes, girole en boum, chant de sésame. Nous sommes épris, tu nous donnes, vas-y l'idiome. Toutes les gammes du concert qui invite à des regards de môme. Si la vidam, si la vidom, c'est comme un air de palindrome. C'est de la vidam et dom, en somme, de dames et d'hommes. Tu les portes sur le dos, mémoire d'Italo, de la cour de Vinci à Monte Cassino. Tu mets le pécromose, on n'était pas de môme, chemin de petit bonhomme. Ainsi tu remontes le ton, diatonique passion. Tu laisses des silences et d'autres diapasons. À faire bouger le décor vers d'autres horizons, ça le fait pour de bon. Comme palavidam, palavidom, voyez-vous balancer l'atome. Dit la vidame, palavidom, d'une mélodie de Perona Panam. Valse la dame et la vidom, elle tourne sur le phonogramme. Comme une ritournelle s'exclame, oye polygame, dans l'air des rhizomes. Pas de royaume, pas d'oriflamme. Ces airs de nomade en personne, c'est du Perron, c'est la vidame, de celui qui foule comme le font les roms. Errance dame, errance d'homme, l'histoire des hommes qui se trament dans leur vidame et d'homme. En somme, de dame et d'homme. Comme balavidam, balavidom, voyez-vous balancer l'atome. Dit la vidam, balavidom, d'une mélodie de Perona Panam. Valse la dame et la vidom, tourne sur le phonogramme. Comme une ritournelle s'exclame, oye polygame, dans l'air des rhizomes. Pas de royaume, pas d'oriflamme. Ces airs de nomade en personne, c'est du Perron, c'est de la vidame, de celui qui foule comme le font les roms. Errance dame, errance d'homme, l'histoire des hommes qui se trament dans leur vidame et d'homme, en somme, de dame et d'homme. À part un réseau alternatif, justement, ou... Le théâtre underground, plus... Ouais. Plus caché, moins... Mm. Mais en musique, est-ce que tu prépares as-tu des chansons d'écrites? Ben là, je me suis beaucoup concentrée pour finir cet album. Et puis, une fois que le travail d'enregistrement, de mix est terminé, il y a encore beaucoup de boulot pour le diffuser. Et mais là, t'as pas de maison de disque, t'as pas... Bah, on est en train de négocier avec un label, donc on va voir. C'est pas encore fait, mais normalement, ça devrait sortir dans un label indépendant à la rentrée. OK. Un label Internet donc, ou un label... je vais quand même essayer de faire une petite, un petit tirage physique aussi, en plus de l'Internet, tu vois. Mais donc le but, c'est de travailler avec une équipe, hein, évidemment, parce que quand on est tout seul, c'est toujours difficile. Mais en même temps, en étant réaliste par rapport au marché de la musique, quoi, c'est-à-dire en ciblant dans un circuit précis. Mm-hmm. C'est malheureux parce qu'il y a plein de personnes qui vont passer à côté. Hein. Les gens qui aiment le jazz et... Ouais, mais tu sais, de toute façon, après, les radios ont un rôle très important. Mm. Et si ça accroche, rien n'empêche de diffuser dans un plus large réseau. Hein, mais il faut bien commencer quelque part. Donc, c'est aussi le prix à payer de la liberté artistique, si tu veux, parce que des possibilités de faire des choses dans l'institution, j'aurais pu en trouver, mais c'est pas non plus ce que j'ai cherché, quoi. Ma démarche, c'était vraiment justement de me démarquer par rapport à ce que je fais ailleurs et de faire un truc totalement au feeling et sans pression, quoi. Donc, sans barrière, super. Ouais. Être libre de faire ce que tu veux. Voilà, donc j'avais envie de ça, vu que c'est mon premier album, ça me semblait très important. Et justement, maintenant, c'est comme une carte de visite et ça va me permettre aussi d'être plus précise si jamais, pour le prochain, j'essaye de le faire différemment. Et surtout qu'après un album, c'est un clip, après un clip, c'est... Voilà, donc il y a toujours du boulot. Mais disons que le but, c'est de sortir cet album, de faire bien sûr le plus possible de scènes. J'aimerais le sortir à la rentrée, là, au mois d'octobre, novembre, tu vois. Et, 4 mois, là. Et puis commencer très vite celui d'après, quoi. Ah oui, donc, déjà. Il faut que je commence à écrire maintenant. Ok, oui. just for my bread. I know you heard what I said. Just like they play your favorite song, they play it over and over and over again till the groove's all gone. Groove's all gone. That people play, so afraid to face the time of day. So they run away. De Nina Savary la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté Errance Renadienne. Et puis, ben, si vous voulez m'écrire, c'est très simple. Hein? Rénal Québec, RAYNALDQUEBEC à commercial@mail.com. On se retrouve dans 7 dodo à la même heure, même chaîne, 89.1 CKRL. Merci de m'avoir écouté. enfin, okay, aboutir. Jamais... Ok, t'as rien fait, là. Bah si, j'ai des bribes, j'ai des choses, mais enfin, on part jamais de rien, mais il faut s'y mettre. Aimes-tu écrire ou si t'es une fille plutôt d'auteur, tu vas chercher des écrivains, tu apprends des textes, aimes-tu écrire, aimerais-tu jouer une pièce? Bah, les deux, t'as... en fait, si tu veux, moi j'adore les auteurs et en même temps j'adore écrire, mais d'une manière complètement... J'écris des journaux, tu vois, j'écris mon journal, j'écris des choses sur des bouts de papier, mais très vite, comme des premiers jets tout le temps, et j'ai beaucoup de mal à aboutir. Donc, c'est peut-être aussi parce qu'on vient de cette culture un peu de théâtre improvisé, où il y a toujours ce côté live, et c'est difficile pour moi d'écrire quelque chose de construit, de vraiment travailler. Donc c'est ce travail que j'ai envie de faire maintenant et en même temps, bon, j'adore les auteurs, donc je pense que je continuerai toujours à chanter des auteurs. Ok. Ça, c'est sûr. Et puis peut-être que le prochain disque sera composé de tes écritures à toi et de ceux de grands auteurs. Ouais, ce que j'aimerais, c'est commencer à avoir de plus en plus de chansons à moi, en plus des chansons d'auteurs que je choisis, quoi. Avant de se quitter, j'ai 10 questions et heureusement, je ne les ai pas oubliées parce que ça ressemblait à quoi. C'est 10 questions que je pose aux gens que je rencontre, sauf hier, parce qu'il y a eu un problème technique. Ah. Ben, je l'ai oublié. C'est mon problème technique. Donc, un petit problème technique. Donc, attends un petit peu. J'ai ça ici. Mais tout simplement, on fait des montages, on coupe. Ouais, ben, j'imagine. Tout quand n'est quand pas même, présenté. Hein? Mais oui, parfois elles vous font peur, si parfois elles jettent un froid, quand elles plongent dans l'horreur, quand ma bouche dit n'importe quoi. Je ne sais pas ce qui m'a pris de faire n'importe quoi. J'ai quitté ma famille, j'ai largué mon emploi. Je deviens mon pire ennemi quand elles me parlent tout bas. Si je vous ai bien compris,